Metal Express avec Eric. Et oui, oui, c'est Eric avec vous donc dans le Metal Express. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 21h. Et ce soir encore, c'est un programme d'enfer qui vous attend donc. Je vous rappelle que vous nous écoutez donc sur Radio Heavy Metal, que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter l'émission Metal Express. Et ça, je vous en remercie. Si l'émission fonctionne, c'est grâce à vous. Radio Heavy Metal, d'ailleurs, a des partenariats radio, donc je vais les citer, c'est Fréquence Zik, Indie Spirit et Canal Fuse Radio. Radio Heavy Metal a sa page Facebook, vous pouvez aller y faire un petit tour et un petit like, ne vous coûte rien au passage si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a également le boîte mail, c'est radioheavymetal76@gmail.com. Vous êtes un groupe de métal, un groupe de rock, vous avez envie de passer à l'antenne, n'hésitez pas à me contacter et vous passerez sans problème dans l'émission. Alors je vais dire pour certaines personnes qui m'ont envoyé des messages, ils voulaient savoir quand est-ce sera le prochain spécial Metal 80. Eh bien ça sera le 7 mai, voilà, prenez note, spécial Metal 80 le 7 mai. Allez, on va pas perdre trop de temps, on va commencer avec un groupe allemand, Rammstein, ça s'appelle Sehnsucht. C'est en live, ça a été enregistré à Paris. Allez, bonne écoute dans le Metal Express, et c'est Eric avec vous pour vous accompagner jusqu'à 21h. We'll be right back. Voilà, Sehnsucht, également le deuxième album du groupe Rammstein. Il était sorti le 22 août 1997 sur le label Motor Music pour l'Europe et Slash Record pour l'Amérique du Nord. Allez, voici un groupe qui s'appelle Pink Frost avec le morceau Sick and Recover. Bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Voilà, ils nous viennent de la ville de Chicago. Le groupe s'appelle Pink Frost avec le morceau Sick and Recover. Allez, voici un groupe qui nous vient du pays de l'Est. Ça s'appelle Last Performance avec le morceau Black Sun. Bonne écoute! Voici une découverte Radio Heavy Metal. Et oui, il est américain, il s'appelle Jason Ironwood. Et le morceau qu'on écoute, ça s'appelle Emanations. Voilà, donc il s'appelle Jason Ironwood et le morceau qu'on a écouté s'appelle Emanations. Et il a également une page Facebook, vous pouvez aller y faire un petit tour et un petit like fait toujours plaisir. Allez, en attendant, voici le groupe français Addix et ça s'appelle Sniper. We'll be right back. Voilà, c'était le groupe Addix avec Sniper, extrait du cinquième album Resurrection, sorti en 1998. C'est une nouveauté et elle est déjà chez nous. Et oui, c'est une nouveauté et puis elle est déjà chez nous. J'ai du mal ce soir. Ça s'appelle Panorama et le morceau qu'on écoute, Standing My Ground, c'est du très bon hard rock, vous allez voir. S'appelle Iron the World, c'est sorti il y a très peu. Le groupe s'appelle Panorama et le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant, Standing My Ground. Allez, ce groupe s'appelle Dynasty of Metal, le morceau, Nightmare. The night. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, ce groupe s'appelle A Perfect Cycle et le morceau qu'on écoute s'appelle Talk Talk. Bonne écoute dans le Metal Express. Voilà, c'est un peu spécial, le groupe s'appelle A Perfect Cycle et le morceau qu'on a écouté s'appelle Talk Talk. Que le métal soit avec toi. Que le métal soit avec toi. Allez, voici les Normands de Ardelix. Ce morceau donc a été remasterisé à l'occasion de la sortie de leur nouveau CD qui va sortir dans quelques jours. Voici Ardelix. Oh, Ardelix, donc le morceau est beaucoup plus dynamique qu'à l'époque. Ils avaient fait ce morceau donc avec un EP à l'époque, je ne sais plus quelle année, mais il était pas mal, mais celui-là il est beaucoup plus rageur. Allez, on va passer avec un trio de rock alternative. Ils sont parisiens, ils s'appellent Nevermind the Car et le morceau Sweet Love. Donc c'était Nevermind the Car avec Sweet Love, donc à l'instant dans le Metal Express. Allez, ça s'appelle Skid et on écoute We Are the End. No trace of mankind is left. Donc le groupe s'appelait Skinhind et le morceau s'appelle We Were The End. Allez, ça s'appelle Skeletal Remains avec Catastrophic Retribution. Retributions. Approaches, no one was from a dead end. Some attempts have been chosen. Donc le groupe s'appelle le Skeletal Remains, un excellent groupe américain de death metal. Le morceau qu'on a écouté s'appelle Catastrophic Retribution. C'est extrait de leur troisième album Devouring Mortality et c'est sorti le 13 avril 2018 donc. Et tout de suite, les dédicaces. Et oui, les dédicaces donc comme chaque semaine. Et la première donc m'a été demandée par Tenifeuse. Il est d'ailleurs le gérant et le boss de Canal Fuzz Radio. Donc ça c'est Metallica, My Friends of Misery. Allez, ça c'est pour toi Tony. We'll be right back. Friend of Misery, le groupe Metallica, donc ça m'a été demandé par Tony Fuzz, qui est le boss de Canal Fuzz Radio. Canal Fuzz Radio d'ailleurs qui rediffusera Metal Express mardi à partir de 20h jusqu'à 22h. Et d'ailleurs je les remercie au passage de me faire confiance pour mon émission. Allez, ça m'a été demandé par Valérie Robas pour son mari Henri. Voici Def Leppard, Rock of Ages. Et ensuite, il y aura les Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Allez, bonne écoute. Et je leur fais de gros bisous au passage. We'll be right back. Voilà, donc dans l'ordre, on a eu en premier Def Leppard avec Rock of Age. Et puis on a eu ensuite les Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Et ça m'a été demandé donc par Valérie Robas pour son mari Henri. En attendant, voici Evanescence, ça s'appelle My Immortal. Ça m'a été demandé par Avalon Louis Chameau, qu'il dédie pour tous ceux qui sont partis, amis musiciens proches. Just too real, there's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but you still. Superbe morceau donc du groupe Evanescence avec My Immortal. Ça a été demandé donc par Avalon Louis Chameau, qu'il dédie pour tous ceux qui sont partis, amis musiciens proches donc. Le prochain morceau donc c'est pour Valérie Dio. Ça s'appelle c'est Phil Lynott avec 19. Bonne écoute dans le Metal Express. We'll be right back. Metal Express, Phil Lynott avec le morceau 19. Ce morceau, donc, je l'ai dédié à Valérie Gio. J'espère que j'ai bien prononcé son nom, que je ne l'ai pas écorché. En attendant, voici Alice Cooper. Ça s'appelle Who Do You Think We Are? Et ce morceau, donc, je le dédie à Jojo Rosis. Allez, bonne écoute dans le Metal Express. Thank you. soldiers in an armored car. Who do you think we are? We don't care. We don't care. Est extrait de l'album Special Forces sorti en 1980. Who Do You Think We Are, le groupe Alice Cooper, donc c'était pour Jojo Rosis. Allez, voici Twisted Sister, ça s'appelle The Fire Still Burns, c'est pour Didier Dicoupé. Oh, Voilà, donc c'était Twisted Sisters avec The Fire Still Burn, extrait de l'album Come Horton Play. Donc c'était pour Didier Di Coupé. En attendant, voici Motorhead, et ça c'est pour Pierrot de Fécamp. Thank you. À l'instant, donc, dans le Metal Express, c'était Motorhead avec Orgasmatron. C'était pour Pierrot, donc, de Fécamp. En attendant, voici Copperate. Ce morceau s'intitule The Beast et ça m'a été demandé par Gilou de Metz. Donc avec le morceau Beast, ça m'a été demandé par Gilou de Metz. Maintenant une petite dédicace pour la formation Fodenou. Ils se reconnaîtront tous. Voici Judas Priest, ça s'appelle Johnny B. God. We'll be right back. Voilà, donc c'était une petite dédicace pour la formation Faux Dedo. Donc ils se reconnaîtront tous. C'était Judas Priest avec Johnny B. Good. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Allez, voici un groupe qui s'appelle Destructor et le morceau qu'on écoute, Metal Spike Deep. Allez, il nous reste même pas un quart d'heure. Je vous rappelle que c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Et ce groupe s'appelle Purgatorium et le morceau s'appelle Never Dance. Bonne écoute dans le Metal Express. Voilà, c'est tout pour ce soir. Donc nous, on se retrouve lundi prochain. Donc ça sera lundi 30. Je vous rappelle que cette émission donc sera demain soir en podcast sur la page Facebook Radio Heavy Metal. Elle sera également en rediffusion donc sur Canal Fuzz Radio mardi de 20h à 22h et sur Fréquence Zik dimanche de 21h à 23h. J'espère que vous avez bien pris vos notes. Donc je vous rappelle que nous avons une page Facebook, c'est Radio Heavy Metal. Vous pouvez me laisser des messages, on y répondra. Nous avons une boîte mail, c'est radioheavymetal76@gmail.com. N'hésitez pas, vous êtes hard rock, metal, vous avez envie de passer à l'antenne, n'hésitez pas, nous on répondra et puis bah, vous passerez sans problème. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain. Allez, ciao !